Nombre chapitre 4. Et l'Éternel parla à Moïse, et à Aaron, en disant, faites le dénombrement des enfants de Cad entre les enfants de Lévi, par leur famille et par les maisons de leurs pères. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui entrent en rang, pour s'employer au tabernacle d'assignation. C'est ici le service des enfants de Kehath au tabernacle d'assignation, c'est-à-dire, le lieu très saint. Quand le camp partira, Aaron et ses fils viendront, et ils détendront le voile de tapisserie, et encourriront l'arche du témoignage. Puis ils mettront au-dessus une couverture de peau de tesson, ils étendront par-dessus un drap de pourpre, et ils y mettront ses barres. Et ils étendront un drap de pourpre sur la table des pains de proposition, et mettront sur elle les plats, les tasses, les bassins, et les gobelets d'aspersion. Le pain continuel sera sur elle. Ils étendront au-dessus un drap teint de cramoisi, ils le couvriront d'une couverture de peau de tesson, et ils y mettront ses barres. Et ils prendront un drap de pourpre, et encourriront le chandelier du luminaire, avec ses lampes, ses mouchettes, ses petits plats, et tous les vaisseaux d'huile, desquels on se sert pour le chandelier. Et ils le mettront, avec tous ses vaisseaux, dans une couverture de peau de tesson, et le mettront sur des leviers. Ils étendront sur l'autel d'or un drap de pourpre, ils le couvriront d'une couverture de peau de tesson, et ils y mettront ses barres. Ils prendront aussi tous les ustensiles du service, dont on se sert au sanctuaire, ils les mettront dans un drap de pourpre, et ils les couvriront d'une couverture de peau de tesson, et les mettront sur des leviers. Ils ôteront les cendres de l'autel, et étendront dessus un drap d'écarlate. Et ils mettront dessus les ustensiles, dont on se sert pour l'autel, les encensoirs, les crochets, les racloirs, les bassins, et tous les vaisseaux de l'autel, ils étendront dessus une couverture de peau de tesson, et ils y mettront ses barres. Le camp partira après qu'Aaron, et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous ses vaisseaux, et après cela les enfants de Kehath viendront pour le porter, et ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. C'est là ce que les enfants de Kehath porteront du tabernacle d'assignation. Et Éléazar, fils d'Aaron, sacrificateur, aura la charge de l'huile du luminaire, du parfum de drogue, du gâteau continuel, et de l'huile de l'onction, la charge de tout le pavillon, et de toutes les choses qui sont dans le sanctuaire, et de ses ustensiles. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, en disant, ne donnez point occasion que la race des familles de Kehath soit retranchée d'entre les Lévites. Mais faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et ne meurent point, sec, quand ils approcheront des choses très saintes, Aaron et ses fils viendront, qu'ils les rangeront chacun à son service, et à ce qu'il doit porter. Et ils n'entreront point pour regarder, quand on enveloppera les choses saintes, afin qu'ils ne meurent point. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, fais aussi le dénombrement des enfants de garçons, selon les maisons de leurs pères, et selon leurs familles. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, dénombrant tous ceux qui entrent pour tenir leur rang, afin de s'employer à servir au tabernacle d'assignation. C'est ici le service des familles des Gersonites, en ce à quoi ils doivent servir, et en ce qu'ils doivent porter. Ils porteront donc les rouleaux du pavillon, et le tabernacle d'assignation, sa couverture, la couverture de peau de tesson qui est sur lui par-dessus, et la tapisserie de l'entrée du tabernacle d'assignation, les courtines du parvis, et la tapisserie de l'entrée de la porte du parvis, qui servent pour le pavillon et pour l'autel tout autour, leur cordage, et tous les ustensiles de leur service, et tout ce qui est fait pour eux, c'est sans quoi ils serviront. Tout le service des enfants de Gerson, en tout ce qu'ils doivent porter, et en tout ce à quoi ils doivent servir, sera réglé par les ordres d'Aaron et de ses fils, et vous les chargerez d'observer tout ce qu'ils doivent porter. C'est là le service des familles des enfants des Gersonites au tabernacle d'assignation, et leur charge sera sous la conduite d'Ithamar, fils d'Aaron, sacrificateur. Tu dénombreras aussi les enfants de Merari, selon leur famille, et selon les maisons de leur père. Tu les dénombreras depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui entrent en rang pour s'employer au service du tabernacle d'assignation. Or c'est ici la charge de ce qu'ils auront à porter, selon tout le service qu'ils auront à faire au tabernacle d'assignation, savoir, Les ais du pavillon, ses barres et ses piliers, avec ses soubassements, et les piliers du parvis tout autour, et leurs soubassements, leurs clous, leurs cordages, tous leurs ustensiles, et tous ceux dont on se sert ces choses-là, et vous leur compterez tous les ustensiles qu'ils auront charge de porter, pièce par pièce. C'est là le service des familles des enfants de Merari, pour tout ce à quoi ils doivent servir au tabernacle d'assignation, sous la conduite d'Ithamar, fils d'Aaron, sacrificateur. Moïse donc, et Aaron, et les principaux de l'assemblée, dénombrèrent les enfants des Kéatites, selon leur famille, et selon les maisons de leur père. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui entraient en rang pour servir au tabernacle d'assignation, et ceux dont on fit le dénombrement selon leur famille, étaient 2750. Ce sont là les dénombrés des familles des Kéatites, tous servant au tabernacle d'assignation, lesquels Moïse et Aaron dénombrèrent, selon le commandement que l'Éternel en avait fait par le moyen de Moïse. Or, quant aux dénombrés des enfants de Gerson, selon leur famille, et selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui entraient en rang pour servir au tabernacle d'assignation, ceux, dis-je, qui en furent dénombrés selon leur famille, et selon les maisons de leur père, étaient 2630. Ce sont là les dénombrés des familles des enfants de Gerson, tous servant au tabernacle d'assignation, lesquels Moïse et Aaron dénombrèrent, selon le commandement de l'Éternel. Et quant aux dénombrés des familles des enfants de Merari, selon leur famille, et selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui entraient en rang pour servir au tabernacle d'assignation, ceux, dis-je, qui en furent dénombrés selon leur famille, étaient 3200. Ce sont là les dénombrés des familles des enfants de Merari, que Moïse et Aaron dénombrèrent, selon le commandement que l'Éternel en avait fait par le moyen de Moïse. Ainsi tous ces dénombrés, que Moïse et Aaron, et les principaux d'Israël, dénombrèrent d'entre les Lévites, selon leur famille, et selon les maisons de leur père. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui entraient en service pour s'employer en ce quoi il fallait servir, et à ce qu'il fallait porter du tabernacle d'assignation. Tous ceux, dis-je, qui en furent dénombrés, étaient 8580. On les dénombra selon le commandement que l'Éternel en avait fait par le moyen de Moïse, chacun selon son quoi il avait à servir, et ce qu'il avait à porter, et la charge de chacun fut telle que l'Éternel l'avait commandé à Moïse.